ce vendredi à la Vie en BD, la BD jeunesse Jimmy Tornado, le samedi de la BD gratuite édition 2017, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art. Et cette semaine, on va commencer l'émission tout à l'heure en jasant bande dessinée jeunesse. J'avais envie de porter un regard sur une bande dessinée qui est sortie quand même il y a déjà quelques mois. On est un peu en rattrapage post-festival de la bande dessinée francophone de Québec. Donc la BD s'appelle Jimmy Tornado, c'est du côté de Presse Aventure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué de votre côté, mais il y a quelques éditeurs qui font quand même, je trouve, un beau travail de défrichage, si on peut dire, de développement de public au niveau de la bande dessinée jeunesse faite au Québec. Alors d'un côté, Presse Aventure qui a lancé il y a quelques années de ça La Jean-Jean, ça a eu un succès quand même assez incontestable, on s'entend. Et de l'autre côté, il y a également Michel Quintin qui a fait un beau travail avec Gibi au départ et qui, en parallèle, dans le fond, de chacune leur série phare, si l'on peut dire, développe aussi d'autres produits pour venir ajouter, si on peut dire, aux collections et répondre à la demande qu'ils ont contribué à développer. Dans la mesure où, il me semble, on pourra peut-être me corriger, mais il y a quelques années, il n'y avait pas tant de BD jeunesse qui étaient faites au Québec. Donc, on était plutôt à la remorque, à la traîne, peut-être, de production américaine, de production européenne, de production asiatique. Et il y avait quand même quelques auteurs qui avaient réussi à faire leur chemin. Donc, dans certains magazines, on peut penser à Curium, on peut penser au Débrouillard, on peut penser à d'autres publications du genre. Mais côté album, il y avait quand même un léger manque. Donc, il y avait eu des titres du côté, à l'époque, des 400 coups, collection Retard. Je pense quelques titres également chez divers éditeurs. Là, c'était pas le désert non plus. Mais donc, j'ai l'impression que, notamment Presse Aventure, je pense avec le grand succès qu'ils ont eu avec La Jean-Jean, ont peut-être prouvé qu'il y avait un intérêt à développer ce public-là et à implanter un modèle qui est aussi quand même sur le long terme. Donc, on se rappelle, dans les premières occasions, on avait échangé avec Alex A. Vous avez dit, regardez, je suis là pour déjà plusieurs albums. Donc, au départ, l'album 1 n'était pas fait, qu'il y en avait plusieurs de lancés. Et d'autres éditeurs ont repris un peu un modèle du genre, donc sachant qu'il faut plus d'un album pour développer un public et pour imposer une série. Alors, bref, c'est le contexte général et nouveau produit, nouvelle publication, ça s'appelle Jimmy Tornado de Frédéric Antoine et Jean-François Vachon. Frédéric Antoine va être avec nous dans quelques minutes là, pour en jaser. En deuxième moitié d'émission, il y aura évidemment là, nos libraires en résidence, Jérôme Vermette qui sera de passage pour jaser BD, quelques titres à vous proposer. Et également, on va jaser avec un autre libraire de Laval, Jean Marquis, qui depuis 2012 en fait pilote une initiative qui me semble importante et incontournable, c'est la version française, francophone du Free Comic Book Day, le samedi de la BD gratuite. La prochaine édition est le 6 mai. On avait envie de vous en parler un peu à l'avance parce que de A, pour que vous puissiez planifier vos samedis à venir, et de B, parce que beaucoup de libraires, que ce soit à Québec ou ailleurs au Québec, ils vont proposer une journée d'activité à l'occasion du 6 mai également pour entourer le samedi de la BD gratuite. Alors, ça me paraissait incontournable d'en parler un peu en amont. Alors, c'est notre menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques notules d'actualité, notamment les prix Exposine 2016 ont annoncé leurs finalistes, et j'y vais notamment, tout particulièrement, en fait, pour la catégorie fanzine et pour la catégorie BD. Catégorie BD, nous dit-on, qui, dans le fond, essaie de récompenser des BD qui ont un caractère peut-être artistique ou alternative, très souvent publié par les auteurs ou par des collectifs. Alors, on essaie de rester hors de la BD à trop large diffusion, peut-être, donc dans cette sélection. Mais au-delà de ça, c'est les critères de qualité qui dominent. Alors, donc, les finalistes, il en a 6. Alors, c'est Crémage, volume 3, piloté par Martin PM, donc un collectif. Il y a Racine de Marianne Ferrer et Monsieur Ed. Il y a Beluga Joe de Carlos Vézina. Il y a Polazac de Lazac de Célia Marquis. Alors, tous des albums autopubliés. Il y a également donc les éditions Trip, micro-éditeurs de la région montréalaise qui va faire le retour de l'Iroquois de Louis Rémillard. Et enfin, les éditions Pow Pow avec les premiers aviateurs d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais. Alors, les 6 finalistes en BD. Et au niveau fanzine, ben, on parle de Médine Collectif numéro 2 de Samantha Sainte-Marie, de C en V, Les Jambes de Clémence Dumas-Côté, de Contraintes quotidiennes de Virginie Fournier, de Zoologie de Devan Marignaccio, Ulrich Thérien et Finger Crust, Ce que j'aurais voulu savoir avant de prendre des antidépresseurs de Floriane Philippe Beauchamp et de Guédaille de Catherine Dupuis, Stéphanie Roussel, Kim Venn et Panthère Rouge. Alors, donc voilà pour ces éléments. Ce sera évidemment à surveiller. Donc, les prix seront remis, en fait, dans le cadre du gala Exposine. Alors, donc, ça sera à surveiller au fil des semaines à venir. Également, sinon, ça brasse toujours du côté d'Angoulême. C'est du sérieux cette fois, d'ailleurs. Hein? En fait, on est en cours, selon Charente Libre. En fait, il y a plusieurs recours qui ont été déposés par la société 9e Art Plus, qui est organisatrice de l'événement, et l'association historique du festival, contre les collectivités locales charentaises, dont la ville d'Angoulême, en fait, et d'autres. Alors, essentiellement, donc, l'idée, c'est de revoir la participation de tout un chacun là-dedans. Donc, c'est vraiment un imbroglio assez dense qui semble se préparer. Actua BD notait en analyse de tout ça qu'il y avait deux choses. L'une, donc, soit cela achève de convaincre le maire et chef Didier Passamonnet, qui sait les présidents des collectivités, de prendre le taureau par les cornes et d'investir pleinement la nouvelle association dans le projet de créer un nouveau festival, soit les dernières gesticulations ne sont qu'un moyen pour 9e Art Plus de revenir autour de la table avec une position un peu plus forte. On met ça dans notre pile de choses à suivre. Deux notules d'actualité en terminant également. D'abord, en fait, le magazine Penguin a annoncé sa fermeture d'ici 4 numéros. La raison avancée est financière, mais peut-être que cette explication cache une réalité bien plus concrète. Et puis la disparition d'une presse satirique libre dans pays turc, dans le pays de M. Recep Tayyip Erdogan. Alors, pour les historiens de la caricature, on parle évidemment d'une couverture blanche pour le dernier Pingouin. Ça évoque immanquablement la page cavardée de la Lune rousse qui critiquait Napoléon III, ou encore la couverture responsable de Charb pour Charlie Hebdo. Alors, des moments où on utilise le magazine pour s'opposer à cette censure annoncée. Alors, ça sera à voir, mais évidemment, la situation du côté de la Turquie est tout sauf facile pour la presse libre et pour la liberté d'expression. Et de toute évidence, enfin, on peut imaginer, on peut croire, on peut dire que la fermeture de Penguin en est un symptôme additionnel. Et sinon, sur une note peut-être plus joyeuse, pour terminer la notule actualité de l'émission, on parlait de Laurel il y a quelques semaines, qui à peu près en 20 secondes avait réussi à atteindre 100% de son objectif de sous financement. Et bien là, sa campagne est terminée et finalement, elle a réussi à atteindre 4178% de son objectif. Alors, essentiellement, donc, pour une demande d'à peu près 10 000 euros, un peu moins de 10 000 euros, donc, mettons 15 000 $ canadiens, elle a réussi à aller chercher l'équivalent de 580 000 $ canadiens, même un peu plus que 580 000 $ canadiens, pour produire sa prochaine BD. Alors, comme quoi, ça vaut la peine de développer les réseaux sociaux et un produit BD de qualité apprécié de ses fans également. Alors voilà pour ces clins d'œil. En musique, cette semaine, on écoute Laugh the Fox avec son album Underground. On écoute un premier extrait, I'll Be Your Ghost for the Evening. On poursuit la vie en BD, regard sur une sortie des derniers mois du côté de Presse Aventure. Ça s'appelle Jimmy Tornado, tome 1, Atlas ne répond plus. Une bande dessinée scénarisée par Frédéric Antoine, dessinée par Jean-François Vachon. Et on a le plaisir d'avoir le scénariste avec nous au bout du fil. Donc Frédéric Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être en fait, contexte général, qu'est-ce qui vous a amené à vous associer à Jean-François Vachon pour cette série-là? Est-ce que ça vient d'un projet commun que vous aviez ou d'une proposition de l'éditeur ou un peu des deux? C'était surtout une proposition du magazine Les Débrouillards qui m'avait contacté pour créer une nouvelle série pour leur magazine. Mm-hmm. Et à cette époque, moi, je faisais Biodôme. Je fais toujours Biodôme avec Yoann Morin. Il n'était pas vraiment libre, fait que je me suis tourné vers Jean-François Vachon, que j'ai connu par le biais de Safarir lorsque j'étais rédacteur en chef. Et on avait sympathisé à l'époque, on avait gardé un très bon contact, et ça faisait un petit moment qu'on voulait faire quelque chose tous les deux. Ça s'est adonné justement, on a cherché un concept, on l'a proposé au Débrouillard, et puis Jimmy Tornado est né. Et de là, donc, la série dans le magazine a connu une belle réception et ça a eu un écho qui a amené aussi la série à passer en format album. C'est ça, exactement. On a créé la série, elle a duré quelques temps, on a fait presque 2 ans. Et puis on a attendu un petit peu, puis on a décidé de le proposer à des éditeurs, et finalement on est parti avec Presse Aventure. Et en fait, pour le contexte de la série, l'esprit, en fait, j'ai l'impression que ce qui est au cœur en fait de ça, c'est la dynamique entre vos deux héros, des héros qui sont à la fois très typés et à la fois très atypiques. Donc Loupé, une jeune surdouée, Jimmy, un ado fonceur et nonchalant qui s'avère également être un gorille. Alors qu'est-ce que vous avez mis sur la piste dans le fond de ces deux personnages là? Au début, on avait pensé se mettre en place une sorte de jeune super-héros qui avait ou un costume ou quelque chose, ou qui soudainement avait un pouvoir un petit peu comme on peut avoir chez DC ou chez Marvel. Mais finalement, c'était trop typé super-héros, fait que on est parti vers autre chose. Et comme c'était aussi dans un but quand même de toucher autant les garçons que les filles, il nous fallait un duo avec donc un personnage féminin et un personnage masculin. À partir de là, comme c'était dans Les Débrouillards, fallait qu'il y ait une petite consonance scientifique quand même. Et puis Loupé s'est imposé, Guadalupe, la sœur s'est imposée d'elle-même une fois qu'on a trouvé le personnage de gorille qui parle. C'est vrai que c'est... on dit souvent, c'est original, mais en même temps, bon, on a quand même comment ça s'appelle, la planète des singes. Mmh. On a différents styles de gorilles qui parlent autant dans la littérature, le dessin animé ou film. Mais là, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, justement, en faisant le frère d'une humaine, le frère d'adoption d'une humaine, et de le placer dans un contexte où lui était un adolescent, c'est ça, fonceur, un peu maladroit, et elle, quelqu'un d'un petit peu plus rigide, ce qui faisait un bon duo, comme on peut en trouver dans la bande dessinée. Oui, parce que dans le fond, ça devient intéressant de les mettre un peu en opposé en termes de personnalité, mais en bonne communion aussi côté esprit, dans la mesure où c'est leur dynamique qui devient un peu le moteur aussi. C'est eux qui sont au cœur des épisodes dans Les Débrouillards, dans ce qu'on retrouve aussi en format album. Et c'est important, j'imagine, de se donner ce terrain de jeu-là avec des personnages assez opposés au départ. Tout à fait, mais c'est ce qui lance toujours une bonne dynamique d'album. En bande dessinée ou même en film, on peut reprendre Astérix et Obélix, on peut reprendre Spirou et Fantasio, Tintin et Haddock. C'est toujours le même principe. Un bon duo, c'est aussi deux personnages qui finalement s'attirent autant qu'ils sont différents. Et qu'est-ce qui fait, en fait, Frédéric-Antoine, qu'à un moment donné, justement, on se dit, OK, on a notre chimie, parce que pour que ce duo-là fonctionne, les duos que vous avez mentionnés, il y a quelque chose qui se passe entre les deux, et quelque chose qui se passe sur les planches. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui fonctionne, sur une chimie qui passe? Ah, ça c'est au fil de l'écriture des histoires, pour moi. À la base, on crée les personnages, on fait leurs dessins, on fait des petits designs. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai déjà un petit peu leur personnalité en tête. Je la donne à Jean-François, le dessinateur. Et puis là, il me fait des croquis, des dessins qui vont aussi me nourrir pour retravailler la personnalité. Et finalement, à un moment donné, les deux personnalités se mettent en place. Mais c'est vraiment Les histoires, là, ce sont des histoires courtes en à peu près, ça dépend, entre 8 et 10 pages. Ah. Et c'est ces histoires-là que c'est, qui vont permettre justement de développer un petit peu cette complicité entre les deux personnages. C'est vraiment... La première histoire est toujours pour montrer un peu le tandem, puis petit à petit on rajoute des petits éléments et j'espère pouvoir en rajouter par la suite, autant dans le deuxième album, puis surtout dans le troisième qui sera un petit peu plus ambitieux puisqu'on ira vraiment à la source des origines. Oui, parce qu'il y a toujours ce défi-là, en fait, surtout dans des histoires courtes. Dans le fond, on veut des fois en mettre un peu trop dans la description des personnages. Et dans le cas de Jimmy Tornado, vous les construisez vraiment dans l'action. Dans le fond, les quatre histoires qui sont proposées dans le premier tome viennent tranquillement bâtir un peu la dynamique du duo. Et vous résistez, j'ai l'impression, à l'idée d'en mettre trop, de trop cadrer un peu qui ils sont. Et vous nous laissez, dans le fond, les découvrir, quitte à laisser une part d'ombre, justement, qui, vous le dites, en fait, va vous servir aussi de terrain de jeu dans le développement d'une arche plus large? C'est tout à fait ça. Comme on était limité par un 2x4 pages pour le format du magazine, on s'est retrouvé avec justement cette difficulté de « Ah, j'ai envie d'en dire un petit peu plus, mais on peut pas, on n'a pas le temps, il fallait faire des histoires. Si c'est une histoire qui se passe en Antarctique, ben, c'est 8 pages, on peut pas aller plus loin. » Donc à partir de là, je me suis dit, ben autant fonctionner un petit peu à cette méthode qui est une méthode très très comic book américain, mm-hmm. autant qu'elle l'est aussi dans les mangas, bien que eux aient plus de pages pour amener tout ça, de petit à petit construire quelque chose. D'abord, on va essayer d'amener la sympathie, l'empathie avec les personnages. Une fois qu'on a réussi ça, on va commencer à développer un petit peu, puis montrer qu'il y a, aller un petit peu plus loin dans les zones d'ombre, parce que là, bien sûr, la question, c'est d'où vient-il? Pourquoi est-il un singe, un gorille qui parle? Donc c'est ça, petit à petit, on va mettre ça en place. On a aussi un personnage qui est en arrière, qui semble les surveiller. Et tout ça, justement, va permettre de bâtir le deuxième tome et le troisième tome, et petit à petit, si le succès est là. Et quand on s'est lancé avec l'idée de la série au départ dans Les Débrouillards, est-ce que vous aviez déjà en tête quand même justement des manières par lesquelles vous vouliez combler ces parts d'ombre-là éventuellement? Parce qu'on dit toujours, en fait, faut que vous en sachiez plus que nous pour bien commencer, donc... Ben, en fait j'ai déjà cette part d'ombre, je l'ai en tête là, elle est déjà résolue. Ce qu'il y a, c'est que c'était à quel moment je vais l'amener, à quel moment je vais la faire découvrir. Et comme on a arrêté la série dans Les Débrouillards avant que je puisse vraiment la développer, là, le fait d'être maintenant édité chez Presse Aventure et d'avoir des albums, on va pouvoir mettre toutes les histoires dans le tome 1 et le tome 2, puis le tome 3, ben là, s'amuser vraiment avec un album de 60 pages dans lequel on va pouvoir aller beaucoup plus loin et que je vais pouvoir développer ces fameuses origines et tout ce que ça va entraîner sans être coincé justement par « je dois faire une histoire en 8 pages ». Donc, dans le fond, de prendre cette liberté-là d'un album, de changer un peu le rythme de la série, mais au profit justement de compléter la mythologie, si on peut dire, de l'univers que vous avez créé. Tout à fait, et en même temps, essayer de... Je vais essayer de jouer justement avec l'empathie que vont avoir les lecteurs vis-à-vis des personnages. Je veux pouvoir placer autant pour Guadalupe que Jimmy des choix à faire. Le troisième tome sera vraiment un tome de découverte et en même temps de choix un petit peu cornélien vis-à-vis pour les deux personnages principaux. J'aimerais pouvoir ajouter ça plutôt que de faire juste deux personnages qu'on retrouve continuellement et qui mènent des aventures. Je veux pouvoir essayer d'amener quelque chose d'un petit peu plus profond petit à petit pour en même temps pour titiller l'intérêt du lecteur et justement cette empathie qu'on retrouve justement dans les comics ou dans les mangas où on suit des personnages assez longtemps justement pour qu'il y ait une empathie qui se développe et qu'on veuille toujours en savoir plus et les accompagner encore plus loin dans leurs aventures. Et donc on a dit en fait pour les courtes histoires qui sont regroupées dans le tome 1, qui vont être regroupées dans le tome 2 qui lui est prévu pour l'automne, mm-hmm. Donc on se retrouve dans des histoires courtes avec des localisations qui changent aussi, c'est, j'imagine aussi le plaisir de faire voyager d'un côté les personnages et de l'autre côté, je me disais pour le dessin, parce que dans les histoires qui sont présentées dans Jimmy Tornado tome 1, ben, les tonalités sont différentes. En fait, on passe du blanc de l'Antarctique au vert des égouts de San Diego à des teints plus jaunes en Grèce et à Tokyo. Donc, il y a quand même une variété pour les yeux aussi là-dedans. Est-ce que c'est un peu ce souci-là qu'on avait dans les choix de voyage qu'on proposait à nos héros? Ben, c'est sûr que c'est toujours agréable de pouvoir les faire voyager. Quand on fait une bande dessinée de 46 pages, très souvent, quoi, dans un album, ils vont voyager peut-être deux fois, donc on va pouvoir changer deux fois vraiment, véritablement de décor, mais on est un petit peu coincé pendant 46 pages avec un ou deux décors. Là, on avait l'avantage, donc si on a ce format de 8 pages, ben, profitons-en pour les amener un petit peu partout dans le monde, ce qui est le but de la Fondation Tornado aussi, c'est de résoudre des problèmes un petit peu à droite, à gauche sur tout le globe. Et ça permettait de changer un petit peu la tonalité de l'histoire. Dans la première, on est à Tokyo, donc on parle de robots géants. La deuxième, on est en Antarctique, il y a quelque chose de caché en dessous des glaces. Et c'est un beau défi en même temps pour Jean-François, ce qui lui permet de pas rester pendant trop de pages au même endroit, dans le même style de décor, et de pouvoir justement découvrir un peu plus. Et j'imagine pour vous aussi, au niveau du scénario, dans le fond, quand on passe de essentiellement une version robotisée, dans le fond, d'un film de type Godzilla, à un truc peut-être un peu plus à tendance horrifique dans les égouts, donc on change aussi l'esprit du scénario, ça permet, j'imagine aussi, au niveau de l'histoire, de pas rester exactement dans le même rythme, ça reste rapide, mais différent en même temps. Tout à fait, puis c'est un peu mon plaisir de la culture pulp, c'est ce genre de bande dessinée très aventure, très Bob Moran, très Indiana Jones, très chapeau melon et boîte de cuir. Il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Ça, ce sont mes lectures, mes films, mes séries que j'ai toujours regardées, que je regardais quand j'étais plus jeune et qui m'ont nourri. Autant ça que Spirou et Fantasio ou ce genre de BD. Ce qu'on retrouve un petit peu aussi dans mes autres BD tels que El Spectro. Le changement de décor, c'est vrai que j'y ai pris goût parce que c'est ce que je fais aussi dans Biodôme en ce moment, où ils sont perdus dans le temps et ils se promènent un peu à plusieurs époques, donc on n'arrête pas de changer toutes les 9 pages, on change d'époque. C'est quelque chose de très agréable, mais ce sera pas vraiment le cas dans le tome 3 de Jimmy, où justement je reviens sur ce fameux tome 3 qui va être un petit défi, où là on veut un petit peu plus placer les choses et avoir plus... Là on se promène, c'est le fun, c'est la découverte, c'est comment dire, c'est l'exotisme et tout ça. Dans le 3, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus proche des personnages et qu'on sente un petit peu plus leur comment dire, leur, pas leur personnalité, mais leur psychologie et ce qu'ils vont devoir endurer dans ce tome 3. Oui, puis à la limite, en fait, après ça, si est-ce qu'on le pense en fait entre guillemets en triptyque, donc les histoires courtes et après ça ce tome clé là, ou est-ce qu'on se dit, ben après ça, il y aura possibilité de poursuivre le développement avec les nouvelles bases qu'on va avoir instaurées avec un nouveau rythme aussi, où là dans le fond les deux premiers tomes servent un peu d'une certaine façon d'introduction, si on peut dire, à cet univers-là de rapide, d'une série de courts plongeons. C'est tout à fait ça. C'est une. Les deux premiers tomes sont vraiment une introduction pour que le jeune lecteur ait du fun à la lecture, et puis que, comme j'expliquais, qu'on se sente à l'aise avec les personnages, puis qu'on les apprécie, puis après on va rentrer un petit peu plus loin, ce qui va offrir d'autres perspectives pour après. Si, comme je disais, si le succès est là, c'est sûr qu'après le tome 3, selon ce qui se passera dans le tome 3, il va se passer, ça va entraîner d'autres choses, et puis là je pense que mais on verra aussi avec le je suis quand même à l'écoute des lecteurs, fait que on verra s'ils préfèrent revenir à des histoires courtes qui leur permettent de voyager plusieurs fois sur un seul album, ou alors d'y aller avec le format classique des albums en une seule histoire. Et à la limite, en fait, pour le scénariste, est-ce que, dans le contexte d'une même série, est-ce que vous avez l'impression que ça va être plus, parce que vous parlez de bons défis quand même pour le troisième tome, une soixantaine de planches, mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression que c'est limite plus difficile ou très difficile de bien faire du cours aussi, d'avoir très peu de planches, très peu de cases pour placer une situation. Est-ce qu'il y a un défi que vous préférez entre les deux? C'est une bonne question. J'ai fait du gag en une planche, j'ai fait des histoires en 8 planches et j'ai fait du 54 pages. Je dirais que le format court de 8 planches, il y a toujours un petit quelque chose qu'on aurait aimé mettre en plus. Et le problème peut-être viendrait du côté un petit peu épileptique, je dirais, du récit, c'est-à-dire qu'on passe rapidement d'une action à une autre. On n'a pas le temps de automatiquement poser. Si jamais ils sortent d'une maison et qu'ils vont prendre une auto, on n'a pas le temps de les voir descendre un escalier là. Mmh. En 8 pages, là, faut qu'on aille plus vite. Je dirais que le plus dur pour moi, j'ai réalisé, c'est pour ça que j'ai changé justement dans ma BD Biodôme, je suis passé à une histoire longue. Je pense que c'est vraiment le court gag, c'est le gag en une page qui m'est le plus difficile maintenant. Parce que c'est pour ça que je trouve que des gens comme Covin, Franquin ou tous ces personnages, tous ces artistes-là, là, qui ont réussi à se renouveler en continu dans cet exercice de gag en une planche. Moi, je peux encore en faire de temps en temps, mais je peux pas en fournir comme eux peuvent en fournir. J'aime bien pouvoir me poser puis raconter une histoire. Je réalise que je suis beaucoup plus un conteur qu'un gagman. Je préfère mettre de l'humour dans une histoire plutôt que de faire une page d'humour. Un peu comme, dans le fond, le ton humoristique dans les Jimmy Tornado, où les éléments aussi, certains éléments qui ressortaient de Spectro aussi. Exactement, oui, pouvoir placer ça à un moment donné, quand j'écris ce qui se passe, puis d'un seul coup, je me dis, ah tiens, là, je peux rajouter quelque chose de humoristique, je peux rajouter une petite touche à droite, à gauche. Là, c'est intéressant, ou je peux rajouter vraiment un gros gag, là, comme si c'était un gag de fin de page, mais qui s'inscrit dans toute une histoire. C'est beaucoup plus simple. Puis je pense aussi que c'est ce qui faisait partie de mes lectures avant. Moi, je suis un gros fan de Spirou et Fantasio, et c'était ça. C'était l'aventure, puis de l'humour, mais l'humour était au service de l'aventure. Et en même temps, on sent aussi, en terminant, Frédéric-Antoine, que vous gardez votre sens du punch dans Jimmy Tornado aussi, dans la mesure où les histoires en 8 planches, mais il y a quand même toujours une importance d'une chute, en fait, que l'histoire retombe bien, qu'il y a un petit punch, un petit élément qui vienne relancer un peu les choses en fin de parcours, donc pour pas laisser l'histoire tomber d'elle-même, si on peut dire. C'est gentil, j'essaye. Je fais mon possible pour que ça reste de qualité et que le lecteur ne s'ennuie surtout pas quand il a l'album dans les mains. Là, c'est la chose la plus importante. J'essaie toujours de me mettre à la place du lecteur, puis de me dire, est-ce que je vais avoir plaisir quand même à lire ce que je suis en train d'écrire. J'essaie toujours. On écrit toujours pour se faire un peu plaisir, mais le but, c'est quand même de faire plaisir au lecteur. Donc il faut vraiment prendre sur soi et regarder à nouveau, puis se dire, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va être plaisant pour les lecteurs de se plonger dans cette histoire-là. Et c'est ça le plus gros défi. Et quand les jeunes arrivent en disant, ah ouais, j'ai vraiment aimé telle affaire ou telle petite chose ou la fin de telle histoire, c'est super. Plutôt que quelqu'un qui arrive qui dit, j'ai beaucoup aimé votre album, c'est très agréable comme compliment. Mais quand on voit c'est surtout les jeunes qui font ça, qui arrivent, ah, j'ai bien aimé tel détail, ah, puis l'histoire quand il fait ça et ça, puis qui commencent à discuter devant vous avec d'autres enfants, trois enfants ensemble qui discutent, ah ouais. Là, je me dis, bon, on a réussi. Effectivement. J'imagine l'impression et j'imagine la satisfaction, fait comme vous dites, la table dans le dos ultime, là, si on peut dire. Tout à fait. Et c'est le plus beau compliment, finalement, c'est de voir des lecteurs qui ont vraiment pris du fun et qui sont arrêtés sur des petites choses dans l'album qu'ils ont adoré et qui font partie de leur qui font maintenant partie de leur culture. Et c'est un petit peu, quand je les vois, c'est un petit peu ce que j'avais moi quand je lisais un Spirou, puis que j'en parlais à quelqu'un, puis que je disais, ah ouais, le moment où Marsupilami il a fait ça puis ça, ben voilà, c'est le meilleur compliment. Alors ben on découvre cet album, ça s'appelle Jimmy Tornado. Donc Frédéric-Antoine, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à la prochaine. Bien sûr. Alors voilà, donc Frédéric-Antoine, qui est scénariste, en fait, donc de cette série Jimmy Tornado, le tome 1, Atlas ne répond plus, c'est chez Presse Aventure, c'est dessiné par Jean-François Vachon. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On a également la plupart de nos émissions qui sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et enfin, je vous incite également à venir visiter mon blog personnel, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, on est donc le 28 avril, on se prépare tranquillement pour le mois de mai et les amateurs de BD ont déjà encerclé la date du samedi 6 mai d'un beau marqueur jaune, rouge ou fluorescent de quelconque couleur puisque c'est le samedi de la BD gratuite, donc le pendant québécois, le Free Comic Book Day également du côté américain. J'ai pendant québécois parce que il y a déjà quelques années, Jean Marquis, qui est libraire à la boîte à BD de Laval, a lancé cette initiative-là donc pour développer, enrichir, si on peut dire, l'offre de cette journée également, mettre en valeur, mettre en lumière des talents d'ici. Et en amont de la journée 2017, Jean Marquis est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour, mon cher. Alors, nouvelle édition, je disais, le 6 mai, et l'initiative, en fait, à ce que je vois en termes de ville, en termes de libraire, continue année après année de croître, de grandir. Oui, on est bien heureux de ça. C'est ensemble, en travaillant ensemble, qu'on va réussir à rejoindre le plus de gens possible. Oui, t'es rendu à peu près quoi? À peu près 34-35 librairies? On est à 37 librairies. 37. 37. Il y en a quelques-unes qui sont ajoutées après l'impression du livre, mais ils vont faire l'événement quand même. Et donc, ça doit être assez satisfaisant parce que c'était un peu l'enjeu au départ. C'était de s'assurer que ça puisse, au premier abord, faire boule de neige à la grandeur de la province. Et là, à 37 librairies, je pense que c'est pratiquement dans toutes les régions du Québec. Oui, il y a des endroits qui c'est un petit peu plus, qui est un petit peu moins plus de distance à parcourir, mais on est quand même bien heureux de ça. Et comment tu procèdes, en fait? Est-ce que tu as continué d'approcher des libraires ou là, tranquillement, la tendance est un peu inversée? C'est les librairies qui t'approchent pour proposer le recueil? Écoute, cette année, on a eu, depuis 2 ans, en fait, mais cette année, on a vraiment eu un gros coup de main de l'Association des libraires du Québec qui nous ont aidé à communiquer l'information à leurs libraires. Fait que de cette façon, on fait un appel à tous et on présente le projet. C'est sûr que dans le paquet d'événements côté dans les librairies, tout ça, il y en a qui sont très, très, très, très occupés. On comprend ça, mais il y en a qui sont ils prennent le temps de regarder et de faire une petite place là pour notre festival. Oui, parce que dans le fond, le recueil, il est fourni, en fait, c'est toi qui le finances en bonne partie ou encore là, les libraires participants doivent aussi, entre guillemets, cotiser ou? De la manière qu'on fonctionne, oui, ma librairie finance, mais cette année, c'est plaisant parce que le nombre de commanditaires augmente et plus les librairies, évidemment, les librairies, ils ont un petit coût qui défraie, là. Ça couvre pas toute la bande dessinée, mais c'est... Ça l'aide à la production de la chose. Oui, puis ça divise le poids aussi, puis ça partage le poids de l'initiative, d'une certaine manière. Oui, c'est un petit peu le même effet qui est en train de se faire qui était le concept du Free Comic Book Day américain, où mais autres, c'est des gros joueurs, là, c'est les grosses maisons d'édition Marvel, DC, puis tout ça, puis le distributeur majeur là-bas, et les librairies participantes, on se partage les frais. Fait que là, on est proche de ça, là. Et en même temps, toujours dans l'idée, en réaction un peu aussi au Free Comic Book Day américain, parce que l'idée au départ du samedi de la BD gratuite, c'était de dire, OK, il y a une journée pour la BD, pourquoi il n'y a rien de québécois? Je me faisais souvent demander, là, vous n'avez pas des trucs en français, tu sais, fait qu'on l'a fait. C'est sûr qu'il y a j'ai encore 2 auteurs qui sont anglophones cette année, parce qu'on n'écarte rien, mais la plupart, là, 95% de la publication est toute en français. Et pour les auteurs, d'ailleurs, qui sont présentés, on a sait entre des artistes établis, des artistes de la relève, des artistes connus, moins connus, dans les styles aussi, des histoires originales, des extraits. Donc, c'est un melting pot, là, si tu me permets l'anglicisme. Oui, c'est très varié parce que, justement, le but, c'est de faire découvrir quelque chose de neuf ou d'accrocher quelqu'un. T'sais, tu vas peut-être passer au travers, OK, ça, je connais ça. Cet artiste-là m'intéresse moins, mais si la personne qui lit découvre un produit, un artiste ou un auteur, c'est gagné. Et j'imagine qu'il y en a là-dedans aussi qui viennent servir un peu de locomotive, des titres que les gens ont lus. En fait, il y a Iris qui propose un extrait des autres, il y a Alex A qui propose un extrait d'un de ses personnages dessous de bras, Stéphanie Leduc avec Titi Crabouti, donc des trucs que les gens ont déjà lus. Et il y en a d'autres aussi qui sont édités, en fait, ou qu'on a vu, que ce soit dans l'édition ou dans l'auto-édition, donc des Mathieu Cassando, SV Bell, Jocelyn Bonnier, François Saint-Martin, François Donatien, François Vigneault, et plus, donc il y en a 21 au total. Donc, est-ce que c'est eux qui proposent des trucs? Est-ce que c'est toi qui approches des éditeurs ou des gens qui s'auto-éditent? Comment ça marche un peu la ben, composition? J'invite c'est durant toute l'année, durant tous les salons BD auxquels je participe, j'invite tous les auteurs à participer, s'ils peuvent, s'ils ont le goût, s'ils ont quelque chose de nouveau à présenter. Et c'est ça. Le seul, je dirais, que ça a été... qui voulait vraiment participer, c'est Alex A. J'étais vraiment surpris, c'était plaisant de voir ça. Lui, il voulait participer cette année. Mm-hmm. Donc c'est du volontariat, parce que dans le fond l'idée c'est d'enrichir, de profiter de cette vitrine-là, un peu à la fois pour les libraires, à la fois pour les auteurs, puis de se donner collectivement cette vitrine-là. Et donc, est-ce que, ben, en fait, je pense qu'encore là, au niveau des auteurs, tu tiens la route au fil des années. Puis, en termes d'histoire, tu disais, c'est de la variété, peut-être pour se donner une idée. Je dirais pas des coups de cœur, mais peut-être des moments forts, des temps forts. Là, j'ai mentionné des titres, mais plus dans les propos, dans les récits, dans le style d'histoire qu'on va trouver là-dedans. Écoute, cette année, justement, tu me parles un peu de ça tantôt. François Vigneault, j'ai pas fait affaire directement avec lui. Ça a été Simon Bossé chez Pampan. Qui m'a envoyé, on a 12 pages, on a un chapitre complet de la nouvelle bande dessinée Titan. Donc vraiment un bel aperçu, un bel avant-goût. Oui, c'est magnifique, c'est très bon. Et après, c'est ça, c'est pour donner le goût aux gens justement de la lire, de se procurer l'album. Et donc, c'est un peu la même chose pour les autres. On va dans différents styles, parce que dans Jocelyn Bonnier, lui, en fait, c'est entre autres, c'est son adaptation de Dostoïevski, de L'Idiot. François Saint-Martin, c'est des gags en une case ou trois cases. Donc, on va vraiment d'un côté, d'une extrême à l'autre, là, en termes de type de récit. Oui, puis j'essaie de maintenir quand même que ce soit agréable à lire. T'sais, on regroupe plus les types humoristiques ensemble, les trucs plus sérieux ensemble, pour qu'il y ait comme au moins un côté agréable à la lecture. Et au fil des années, est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus facile aussi d'aller recruter les auteurs comparativement en 2012 où tu as commencé le recueil? Le côté facile, ce qui fait, c'est que là, les gens... Ben, il y en a certains qui me connaissaient à cause que je suis libraire, mais les gens commencent à connaître le produit puis à savoir ce que je fais. L'approche est plus facile à cause de ça. Parce que je suis vraiment là pour mettre leur création en valeur puis les présenter. C'est le but premier de la chose. Puis j'imagine que c'est un peu la même dynamique pour les libraires où on peut leur présenter, on peut leur envoyer dans le fond les recueils des années précédentes. Ils voient en quoi ça consiste. C'est plus facile là de créer de l'adhésion que c'était facile il y a 5 ans. Oui, mais là on ne peut plus parce que les 5 de l'année précédente, ils sont complètement épuisés. Ce qui est une excellente chose, en fait. Oui, effectivement, mais c'est l'objectif, au bout du compte. Oui, oui, oui. Et on a augmenté notre tirage depuis 2 ans, on a monté ça à 3000 copies. Donc, c'est quand même très bon aussi. Globalement, là, quand on sait qu'il y a déjà 1000, 1500 copies vendues, on est satisfait. Donc, 3000, c'est une belle distribution. Oui, bien content de ça. Puis on a pu, justement, un truc qu'on a fait, parce qu'à chaque année, j'avais le bout de plate ou ce qu'il faut que je dise à un auteur, ben là, ça fait quelques années que tu participes, il faut laisser la place aux autres, j'ai un nombre limité de pages. Fait que cette année, pour essayer d'éviter ça et de justement d'avoir des récits un peu plus longs, parce qu'on écoute justement les commentaires des librairies et des lecteurs, je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup d'histoires trop courtes, on lit une page, on passe à d'autres choses, c'est un petit peu saccadé. Fait que j'essaie de prendre, cette année, on a pris moins d'auteurs un petit peu, mais ils ont plus de place. Et on a ajouté une vingtaine de pages sur l'année précédente. On passe à 72 pages cette année. Et en parallèle aussi du recueil, il y a plusieurs libraires qui profitent de l'occasion pour offrir des événements. Je les mentionne d'ailleurs au passage. On les trouve toutes sur la page Facebook ou sur la page web d'ailleurs du Samedi de la BD gratuite. Si on cherche sur les deux médiums le nom exact Samedi de la BD gratuite, on va les trouver. Mais dans le coin de Montréal, vous avez évidemment chez vous à la boîte à BD de Laval, la librairie Z également. À Québec, il y a la librairie Morancy et la librairie La Liberté qui proposent des événements, des ateliers. À Lévis, c'est Fournier. À Saint-Eustache, chez Patlao, à Joliette, chez Martin Express, où là, les libraires profitent du recueil pour dire, bon, OK, on organise une journée, on organise des animations. Donc, ça rentre un peu aussi dans la mission festive que tu semblais t'être donné au départ. Là. Ben oui, ça profite à tous, ça présente, c'est le but. On présente les albums des auteurs, les albums, les auteurs peuvent communiquer directement avec les gens qui viennent les voir. Et ben oui, ça fait une belle journée agréable pour tout le monde. Et Jean-Marquis, en terminant, est-ce que tu as l'impression, donc là, on est à c'est la cinquième édition, si je ne me trompe pas? La sixième. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'on est parti pour se rendre à une dizaine, voire au-delà? Comment on voit ça grandir, cette initiative-là? Je te dirais, j'y vais année par année. Parce que c'est une grosse charge de travail quand même. C'est un bon 6 mois à préparer chaque année. L'appel aux auteurs, on monte le livre, l'appel aux librairies, c'est une grosse machine. Mais je commence à être bien épaulé. Là. Avant, c'était juste moi et David Terrien qui travaillaient ensemble. Puis on le faisait au départ localement. Les premières années, il y avait juste quelques librairies. C'était quand même assez facile. Mais depuis que la boîte de diffusion et l'association des libraires m'épaulent, ça permet de partager certaines tâches et d'alléger un peu mon travail, malgré qu'il y a tout le temps quelque chose à faire toutes les années. Bien, en fait, merci Jean-Marquis de porter cette initiative-là. Et je rappelle aux gens, évidemment, de se rendre dans l'un des 37 libraires participants là, pour se procurer le recueil, pour prendre le recueil, parce qu'il n'y a pas d'achat requis, le 6 mai en journée. Jean, bon samedi. Bon samedi de la BD. Merci. Bye bye. Alors voilà, Jean-Marquis, donc, qui est libraire du côté de la boîte à BD de Laval, qui depuis donc 6 ans, pilote donc cette initiative du samedi de la BD gratuite et du recueil qui l'entoure. Donc je mentionnais en fait sur le web la liste, en fait, vous pouvez la trouver sur laboiteabd.com et dans la section samedi de la BD gratuite, là, vous allez pouvoir avoir l'information également sur Facebook, donc en cherchant samedi de la BD gratuite tout simplement. Donc le recueil et également des liens vers les librairies qui vont proposer, elles, des événements en plus du recueil à cette occasion-là. Alors je vous incite fortement à aller jeter un coup d'œil. À la vie en BD. On est maintenant en compagnie d'un de nos libraires en résidence, Jérôme Vermette de la librairie La Liberté. Bonjour! Salut le monde! Et Jérôme, enfin, on parlait tout à l'heure du samedi de la BD gratuite avec Jean-Marquis, la librairie La Liberté, qui est parmi les 37 librairies participantes cette année. Et double mention également parce que le 6 mai, vous allez proposer plusieurs événements en lien avec la BD. Puis c'est important pour nous parce que c'est la première fois qu'on va participer à l'événement là, pour la librairie La Liberté, comme une occasion de marquer le fait que la bande dessinée prend de plus en plus d'ampleur là ici. Donc on a en fait deux activités particulières à laquelle on va inviter le public hein, dans le fond à venir participer, littéralement participer. La première chose qu'on va faire dans l'après-midi, le 6 mai, on a deux illustrateurs de Québec, André Gagnon, qui est un des fondateurs, si je me rappelle bien, un des fondateurs de Safarir, la revue Safarir, et l'illustratrice Caroline Soucy, qui vont s'affronter dans un duel de dessinateurs durant lequel on veut inviter le public à les mettre au défi, donc à partir de des thèmes qui seraient prédéterminés, à leur donner des contraintes, en quelque sorte, pour qu'ils puissent s'affronter dans le duel. Hein. Et puis, en soirée, on va inviter les gens là, à venir tester leurs connaissances dans un genre de tous pour un ou de quelques arpents de piège sur la BD. On va avoir des prix pour les gagnants, dans le fond, ceux qui vont avoir eu les les meilleurs scores. On va avoir des gracieusetés, là, des BD carrément, sur lesquelles ils vont pouvoir choisir pour leur prix. Alors, deux belles occasions, donc en après-midi et en soirée. Oui. Ça commence à 13h. Pour le duel de dessinateurs, on veut commencer à 13h, puis un autre à 14h. Puis le jeu serait plusieurs 18h. Alors, belle invitation. On pourra trouver aussi l'information sur Facebook prochainement. Oui, tout à fait. Sur le Facebook de la librairie, Facebook du samedi de la BD. Donc, puis les gens peuvent nous appeler s'ils veulent plus de détails. Alors, voilà, donc pour le 6 mai, donc il y en a pas mal à Québec qui ont embarqué dans le mouvement. Je trouve ça plaisant parce que dans les dernières années, je pense qu'il y avait juste Première Issue qui offrait le recueil. Alors, là, je trouve ça chouette de voir qu'il y a plus en plus de librairies qui embarquent. Ben oui. Et parallèlement, Jérôme, on te contacte aussi pour tes commentaires, tes regards sur la bande dessinée. Quelques titres dont tu ne veux nous parler cette semaine. Et on commence avec une série, en fait, qui est bien appréciée à date. En fait, j'ai une belle réception, autant ici à l'émission que dans la critique européenne. C'est Infinity 8. Eh bien, écoute, je suis content de l'apprendre parce que j'ai vraiment l'impression que j'en entendais jamais parler. Puis pour l'avoir testé, j'avoue que je comprenais pas pourquoi j'en entendais pas parler. Honnêtement, la série est vraiment chouette. Là, il y a 3 tomes de paru. Il est supposé en avoir 8. C'est une BD de science-fiction. Comme il y a Lewis Trondheim d'associé, qui est la seule constante dans la série, Lewis Trondheim y est associé, on peut s'attendre à ce que ça soit pas toujours très sérieux. Bien connu pour son humour plutôt déjanté. Ici, il se contient bien. Il l'utilise, évidemment, mais il se contient quand même assez bien pour que ça reste de la science-fiction qui va plaire aux amateurs du genre. Donc, tous les lieux communs de la SF sont franchement bien utilisés. Donc, l'Infinity 8, pour résumer un peu l'histoire, l'Infinity 8, c'est un vaisseau spatial qui fait la distance entre la Voie lactée et la galaxie Andromède en 55 jours. Et une particularité, c'est que son capitaine, qui est une créature extraterrestre, a la capacité de pouvoir explorer une trame temporelle pendant 8 heures. Et au bout de ces 8 heures-là, si cette trame temporelle-là ne lui plaît pas, il peut faire ce qu'il appelle un reboot et recommencer à zéro, d'où les 8 albums du Infinity 8, parce qu'il ne peut le faire que 8 fois. Donc, le premier album, là, qui est dessiné par Dominique Bertaille et scénarisé par Lewis Trondheim et Zip, mais fait plus une mise en place. Donc, l'Infinity 8, dans chacun des albums, se retrouve pris dans un genre de cimetière intersidéral qui le bloque là, et puis... chaque album, il se passe de nouvelles péripéties, on change de personnage principal et on change également de dessinateur à chaque fois et parfois même de scénariste qui accompagne Lewis Trondheim. Donc ça offre une belle variété justement pour chaque trame temporelle. Les styles sont vraiment bien, je veux dire, les dessinateurs se laissent vraiment aller à leur manière. Mon préféré personnel, tant au niveau du scénario que du dessin, c'est le deuxième, Retour vers le Führer. Dessiné par Olivier Vatin, qui avait fait quand même déjà un bon coup de maître, selon moi, avec le triptyque New York dans l'univers de Stephen Wall. Je te dirais qu'au niveau du scénario, c'est top-notch, parce que Lewis Trondheim réussit, avec un sujet délicat, celui du nazisme, à en rigoler et en même temps à montrer le côté dangereux d'une telle idéologie, et même, je dirais, parce que là, pour mettre les choses en place, il y a des gens sur l'Infinity 8 qui reprennent les concepts de nazisme, mais pour eux autres, c'est tellement lointain que ça a l'air quelque chose de super sympathique. Et ils réussissent à retrouver la tête d'Hitler qui prend possession d'un robot qui veut remettre le 4e Reich à l'intérieur de l'Infinity 8. Et il utilise les réseaux sociaux pour étendre son empire, son Reich. Donc, Lewis Trondheim, dans son scénario, réussit à garder l'humour, un certain humour noir, tout en finesse, tout en montrant le potentiel dangereux d'une telle idéologie, ce qui n'est pas rien selon moi. Et le troisième tome, l'Évangile selon Emma, un sujet tout aussi sérieux, c'est-à-dire le fanatisme religieux, mais toujours avec une certaine dose d'humour, malgré le côté sombre parfois du texte, qui cette fois-là a été écrit en collaboration avec Xavier Vellman, un des derniers scénaristes de Spirou et Fantasio. Non, on fait vraiment une série. En fait, si les gens, j'ajoute ma voix à la tienne, si les gens n'ont pas encore jeté un coup d'œil à cette série-là, il faut le faire. C'est vraiment en fait, pour moi, c'est une belle surprise. Autant, on dirait que je me suis pas tenu assez informé, je l'ai pas vu arriver, et j'ai été joyeusement séduit. Ah oui, vraiment, effectivement, c'est un de mes coups de cœur, là, récent, là, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de voir la suite. Deuxième titre sur lequel tu nous amènes, La Casa. Ah oui, là, je vais être dans le peu plus éclectique. Tu connais depuis quelques temps ma tendance à vouloir explorer les BD qui explore la BD d'une certaine manière. Donc la casa, c'est la case, hein. C'est Victor Hussend, si je ne me trompe pas, je me demande si c'est pas un BDiste italien, mais je ne suis pas très bien sûr. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait la recherche sur lui. Donc publié par Warum, la casa, c'est pas, il n'y a pas d'histoire en tant que telle. Là, les gens qui vont le lire ne doivent pas s'attendre à avoir un récit suivi, mais c'est plutôt une série de planches dont le concept tourne toujours autour de la case et de son potentiel représentatif dans la bande dessinée. Donc, on n'est pas loin des... les amateurs de Marc-Antoine Mathieu vont peut-être reconnaître un peu le même genre de thème. Hein? Donc, il y a des personnages qui sortent des cases, qui ouvrent carrément les cases pour se déplacer vers d'autres pages. Il y a des personnages qui se déplacent de page en page, qui déplacent des cases. En tout cas, on voit un peu le genre. La case représente... dont le dessinateur et scénariste Hussein semble explorer autant ce qu'on peut en faire au niveau graphique que parce qu'il y a une entrevue avec lui là à l'intérieur de la BD, de même qu'il en explore son potentiel représentatif sur lui, il parle des humains qui sont pris dans leur la case représente un peu l'humain qui est pris dans ses habitudes puis qui doit essayer de s'en émanciper. Donc la BD foisonne de personnages qui sortent de leur case carrément, où leur case se retrouve secouée et puis doivent se reprendre en main, où ils sont carrément jetés hors de leur case. Et est-ce que ça fonctionne, en fait, parce que Marc-Antoine Mathieu, sa grande réussite dans ce type d'expérimentation-là, c'est de réussir à amener le lecteur, à l'entraîner un peu dans cette folie-là. Est-ce que la casa réussit un peu à sa façon à répliquer ce sentiment-là, qu'on peut avoir ce plaisir-là qu'on va trouver? Là où Marc-Antoine Mathieu est une coche largement au-dessus, en dehors de son style de dessin, c'est qu'il réussit à faire des récits qui vont être prenants. Hein? Alors que la casa est toute une série juste... C'est plus plastique, je te dirais, la réussite en tant que telle que prenant. Il y a vraiment de très belles réussites, mais c'est pas un album où on va faire à la fin « Ah, wow, j'ai été pris à fond », là, alors que Marc-Antoine Mathieu, on y retourne incessamment. Je te dirais que la casa, c'est très intéressant pour voir... Peut-être que les BDS eux-mêmes vont être plus intéressés à voir le potentiel que Hussein a trouvé pour éclater la case en elle-même, ainsi que les la gouttière et tout ça, là, tous ces éléments-là de l'art séquentiel. Mais c'est peut-être pas le genre de BD qui va nous prendre au trip, là, c'est sûr, comme pourrait faire Marc-Antoine Mathieu. Donc, si on a le goût d'une expérimentation, de voir un peu le jeu stylistique, d'explorer la structure, ça peut être intéressant. Mais si on cherche un autre Marc-Antoine Mathieu en attendant le prochain, peut-être attendre un peu encore. Non, c'est ça. Il y a un potentiel. J'ai pas vu encore ses autres travaux. Victor Hussein, d'après moi, est très influencé par Lou Bapo. Mm-hmm. Donc, la gang de l'association, et ça se sent. Donc, on voit là, ce désir d'expérimenter plus avec le médium qu'avec l'histoire pour l'instant. Je pense qu'il y a un potentiel, par exemple, d'aller là, vers des choses là assez hors normes. Moi, j'aime cette idée-là qu'on puisse l'éclater toujours, la bande dessinée. Effectivement, selon moi, par contre, ça reste toujours Marc-Antoine Mathieu, le maître là-dedans, qui fait toujours une recherche complètement... folle à chaque fois. Là. Et dernier titre sur lequel tu nous amènes cette semaine, c'est Kuklos. Moi je l'ai dit Kuklos, là, publié par Futuropolis. C'est vraiment très sombre. Je change complètement de registre encore. Là. Je me dis que j'ai des choix complètement éclectiques. Futuropolis, souvent on a de la BD de reportage ou de la BD biographique et tout ça. Kuklos, sans être un reportage, raconte l'histoire vue de l'intérieur d'un membre du Ku Klux Klan, donc qui se fait embrigader quand il est très jeune par son père, ses oncles et tout ça. Et on le voit là tout au long de sa vie grimper les échelons du Ku Klux Klan, ce qui rend la BD extrêmement intéressante parce qu'elle prend son sujet toujours très au sérieux. C'est une BD extrêmement violente, extrêmement sombre. On explore la folie. Hein. Les gens qui sont là dans cette organisation-là et qui y croient à fond, c'est pas des gens sains d'esprit. Puis je trouvais ça important. Une raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'on entend beaucoup parler des États-Unis actuellement, avec tout ce qui s'y passe. Alors, on sait qu'ils ont... c'est pas si loin que ça, hein, ces problèmes de ségrégation-là. Non, c'est une histoire sombre qu'on a l'impression, comme tu dis, qui est très lointaine, alors que finalement, elle est quand même proxime. On parle de deux générations, peut-être trois générations. Les 60 en connaissant encore, oui, hein, effectivement. Les problèmes du clan et tout ça. Et là, c'est une occasion de le voir de l'intérieur, comment ces gens-là s'organisaient. Est-ce que c'est bien documenté? Fort probablement, parce que le scénario prend le temps de montrer les rituels d'initiation. Ces gens-là se prennent extrêmement au sérieux avant de faire la fête, parce qu'ils font la fête, évidemment. ça devient des orgies de violence. En même temps, on voit les guerres de hiérarchie et ça peut mettre les gens mal à l'aise. Je dirais que le traitement va jusqu'au bout de son idée. On voit toujours tout ce qui se déroule du point de vue des membres du Ku Klux Klan, y compris lorsqu'il commence à y avoir le mouvement de libération des Noirs et que les Noirs décident de se prendre en main. La finale peut rappeler un peu dans sa violence... C'est quand même à le dire dans sa violence, un film de Quentin Tarantino, par exemple. Okay. Pas au niveau de l'humour, parce qu'il y a zéro humour dans Ku Klux, mais c'est un peu comme si la caméra, si je veux vous dire, ne se cachait jamais de ce qu'elle a à montrer. Là. Donc, faut avoir envie de... En fait, le propos, on va jusqu'au bout du propos, jusqu'au bout de la violence inhérente au propos. Et donc, comme lecteur, en fait, faut avoir envie de plonger dans ce propos-là et d'aller jusqu'au bout avec ce livre-là aussi. Tout à fait. Mais le thème est toujours pris d'une manière très sérieuse. L'histoire est prenante. C'est le côté malsain de ce genre de BD-là, si j'ose dire, ou de récit. C'est quand on est pris avec le regard d'une personne qui est à base antipathique, on finit par s'y prendre au jeu, de se demander ce qui va lui arriver, puis on n'est pas nécessairement antipathique à ce qui va lui arriver. Hein? Alors, je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Et cette ambiance-là, on la retrouve dans Q-Close, donc troisième suggestion de Jérôme Vermette. Et Jérôme, on se dit au 6 mai. Oui, tout à fait. Puis écoutez, hein, le 6 mai, il y a des activités un peu partout à Québec, donc il y a des gens qui peuvent faire les tournées des librairies également. Hein. Moi, je vous invite parce que je pense que mes collègues de chez Morancy et l'Imaginaire font des choses pas mal intéressantes également. Alors, ce sera à surveiller, mais Jérôme, à très bientôt. À bientôt, Raymond. À la prochaine. À la prochaine. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on aura avec nous Richard Valran et André-Philippe Côté qui vont jaser d'Automne rouge. Il y aura également Cookie Calcaire qui sera avec nous pour jaser de son projet Pénis de table. Et Michel Giguère qui sera également de passage pour jaser des rendez-vous de la BD. Alors, c'est un autre rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.